Les Saguenay de Chicoutimi ont réussi un coup de maître au cours du week-end. Ils ont repêché au 7e au total Théo Rochette. Théo Rochette, qui on dit plusieurs qu'il est probablement le meilleur joueur du repêchage. On va lui parler. Salut Théo! Bonjour. Théo, d'abord, tu es actuellement à Ville-Saguenay. Tu découvres ta nouvelle ville. Comment tu as trouvé ça jusqu'à maintenant? C'est vraiment le fun. J'étais jamais venu auparavant, donc j'ai pu découvrir la ville, puis c'est vraiment un endroit que j'apprécie beaucoup, puis vraiment une belle arène, donc je suis vraiment content. OK. Théo, si on parlait un peu de toi maintenant, as-tu été surpris de voir que tu as glissé au 7e rang? Honnêtement, un petit peu, oui, mais pour moi, ça n'a aucune importance. Je pense que je suis tombé dans l'organisation que je voulais, donc... Okay. Si on parlait un peu maintenant de ce qui s'est passé au cours du week-end, comment se fait-il que ça a été long avant de te déclarer éligible au repêchage? On le sait à la dernière minute. Honnêtement, aucune idée. Je sais que ça a bloqué un peu avec la Ligue canadienne de hockey puis l'Ouest dans la CHL. Donc, je sais pas exactement ce qui s'est passé dans les détails, mais... Je sais que ça a bloqué à ce niveau-là à cause de l'Europe puis de ma nationalité. OK. Pourquoi tu as dit que de jouer dans la Ligue de hockey junior du Québec? Parce que pour moi, je suis Québécois. OK. Et je pense que c'est les meilleurs juniors au monde. Donc, je veux me défier à eux. Puis je pense que c'est aussi une très bonne porte d'entrée pour la LNH. Puis c'est mon rêve au final. Donc, jouer sur une glace olympique, ça te dit quoi? J'étais vraiment content quand j'ai appris que je continue avec une glace olympique. Je pense que ça va beaucoup m'aider pour mon offensive puis pour mes qualités. Donc, vraiment heureux. OK. Si on parlait un peu de ton style de hockey, il y a plusieurs observateurs qui te comparent à Nico Hischier et également Jonathan Tate. Est-ce que c'est exagéré ou c'est quand même... tu es capable de vivre avec ça? Je regarde pas vraiment les comparaisons. Je sais que beaucoup m'ont parlé de Nico Hischier, mais je pense qu'il faut que je fasse mon chemin à moi, faut que je travaille, puis que j'arrive à faire ce que je veux faire pour la suite. Après, les comparaisons, je laisse ça pour les médias, pour les gens. Mais je me concentre pas là-dessus vraiment. Okay. Je me focalise sur mes objectifs. Il y a des gens qui ont dit que tu pensais vraiment, il y avait comme un deal avec une autre organisation. C'est pour ça que tu as déclaré en dernier que en dernier temps, ça a aucunement été question, hein? Non, vraiment, on est venu ici au draft en se disant qu'on veut venir dans la Ligue majeure du Québec. Peu importe l'équipe, je pense que toutes les équipes, c'est des très bonnes organisations. Maintenant, moi, je suis vraiment content d'être tombé à Chicoutimi, avoir vu la ville et l'aréna puis les gens qu'il y a autour de cette organisation. Je pense que je suis tombé dans la meilleure que je pouvais. OK. Tu fais quoi, là, maintenant, à partir de l'été? Cet été, tu fais quoi? Préparation physique. Puis, j'ai pas mal de camps avec mon agent, qui est fin juillet. OK. Puis, après ça, je m'en vais camp équipe suisse, en Suisse, avant la Linka Cup. Donc, c'est un camp de préparation. Puis, tout de suite après, on s'en va à Edmonton pour le tournoi. OK. Ben, Théo Rochette, on va te souhaiter la meilleure des chances, bonne saison et bienvenue à Chicoutimi. Merci beaucoup. Des Saguenay de Chicoutimi, Théo Rochette.